do it makes us harder, better, faster, stronger. Harder, better, faster, stronger. Chociaż powinnam powiedzieć tym stronger i wtedy by było rzeczywiście po francusku. Na trójkowym zegarze, moi drodzy, minęła trzecia w nocy punktualnie, 371 wydanie Ciemnej Strony Mocy, jeżeli ktoś w tej chwili do nas dołączył. I francuskie wydanie tej audycji. Dzisiaj bardzo wyjątkowe, bo dzisiaj francuski dzień w programie trzecim. Zapraszam ciepło na naszą grupę na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Everyone dated the demise of our neighborhood from the suicides of the Lisbon girls. People saw their clairvoyance in the wiped out elms and harsh sunlight. Some thought the tortures tearing the Lisbon girls pointed to a simple refusal to accept the world as it was handed down to them, so full of flaws. But the only thing we are certain of after all these years is the insufficiency of explanation. Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl. Such beautiful creatures. From that time on, the Lisbon house began to change. Almost every day, and even when she wasn't keeping an eye on Cecilia, Lux would suntan on her towel, wearing a swimsuit that caused the knife sharpener to give her a 15-minute demonstration for free. The only reliable boy who got to know Lux was Trip Fontaine, who only 18 months before the suicides had emerged from baby fat, to the delight of girls and mothers alike. anticipated it would be so drastic. The girls were pulled out of school and Mrs. Lisbon shut the house for maximum security isolation. The girls' only contact with the outside world was through the catalogs they ordered that started to fill the Lisbon's mailbox with pictures of high-end fashions and brochures for exotic vacations. Unable to go anywhere, the girls traveled in their imaginations. Gold-tipped Siamese temples, or past an old man with a leaf broom tidying a moss-carpeted speck of Japan. And Cecilia hadn't died. She was a bride in Calcutta. Collecting everything we could of theirs, we couldn't get the Lisbon girls out of our minds. But they were slipping away. The colors of their eyes were fading, along with exact locations of moles and dimples. From five, they had become four, and they were all, the living and the dead, becoming shadows. We would have lost them completely if the girls hadn't contacted us. Lux was the last to go, fleeing from the house we'd forgotten to stop in the garage. After the suicide free-for-all, Mr. and Mrs. Lisbon gave up any attempt to lead a normal life. They had Mr. Headley back up the house, selling what furniture he could in a garage sale. Everyone went just to look. Our parents did not buy used furniture, and they certainly didn't buy furniture tainted by death. We, of course, took the family photos that were put out with the trash. Mr. Lisbon put the house on the market. It was sold to a young couple from Boston. It didn't matter in the end how old they had been, or that they were girls, but only that we had loved them, and that they hadn't heard us calling. Still do not hear us, calling them out of those rooms where they went to be alone for all time, alone in suicide. Which is deeper than death, where we will never find the pieces to put them back together. Yeah. Crazy B, DJ Pawn, DJ Nitty, Little Mike, Birdie Nam Nam, to Birdie Nam Nam. No ale teraz już M83, bardzo dobrze znany słuchaczom Ciemnej Strony Mocy. Przyznam wam się, że układając dzisiejszą audycję, w sumie ułożyłam 4. Muzyki było tyle, że spokojnie na 4 nasze spotkania by starczyło. A to tylko i wyłącznie to, co tworzą Francuzi. Proszę, jak pięknie. pleasure is running to me. God is so beautiful. From the world, but the golden age is over. 29 minut pozostało do godziny 4 nad ranem. Po ciemnej stronie mocy Mudkid. I see the most beautiful things up in the sky. If I don't see you, take me higher. If I don't feel you, take me higher, take me higher, take me higher, take me qui part, qui part, mon cœur, mon cœur. Ah, ah, toi le soleil, le soleil, le nid, mais qui part, mais qui sans part, moi. Moi. Toi qui part, ah, qui sans part, moi. Take me, oh yeah. Mama says she can't live without him. The man is gone, and Mama says there is no life without him. She has no one to stop her tears, a man who heals and calms down her fears. She needs to wake up in her man's arms and to be loved just like a child. Mama says that she can't live without him. The man is gone, and Mama says there is no life without him. How can I tell her the way I feel? I'm afraid she'd be hurt and sink. It pisses me off, it drives me mad that she lets herself feel so bad. The man is gone, and Mama says that she can't live without him. The man is gone, Mama says there is no life without him. Duet dwóch sióstr francusko-kubanki, można by o nich powiedzieć. EBE. W przyszłym roku, Kamil za moment, musimy zrobić przerwę. W przyszłym roku będzie nowy album EBE, będzie pierwszy ich tak naprawdę debiutancki album, bo do tej pory tylko i wyłącznie jeden singiel został wydany. EBE pojawiło się po ciemnej stronie mocy tak w połowie października, co było takie nasze malutkie odkrycie. 18 minut pozostało do godziny 4 nad ranem, proszę się szykować już za moment, już za chwilę po 4, trójkowy budziki Piotr Łodej. Tutaj na antenie, a my się będziemy powoli żegnać. csm@polskieradio.pl, gdyby ktokolwiek chciał się skontaktować ze mną, proszę pisać. Adres mailowy czynny 24/7. Listy utworów pojawiają się na stronie słuchaczy tuż po audycji csm.info.pl. No i jesteśmy ciągle obecni na znanym portalu społecznościowym w grupie Audycja Ciemna Strona Mocy. Kamil. Od Kamil nasze spotkanie dziś się zaczęło, ale nie będzie się jeszcze kończyć. L'ours se lève et il se cortège fuit. Tombe la neige, se réveille, s'étire. Moi j'ai à pied de mon lit à ma table. Triste d'être fissé sa chaise à mon âge, comme une vieille anglaise, une momie en otage. Oui, je suis otage de ma tête, tout ce que je vois par la fenêtre déménage dedans. C'est pas ma fête si je suis tout le temps assise. Pour papillon, j'ai croisé une belle idée. Je suis à l'âge où l'on ne dort nulle part. Les seuls lits toujours rêvent sont des cas de gare. J'ai loué un placard pour mes robes d'hiver. J'ai tué les parents. Oh, je veux partir sur la seule route où il y a du vent. Je suis la jeune fille aux cheveux blancs. Mon amour dit qu'il ne me connaît pas. Il vit loin de tout, il vit trop loin de moi. Sur le plus haut volcan que l'amour est éteint. Il reviendra demain. Oh, je veux partir sur la seule route où il y a du vent. Je suis la jeune fille aux cheveux blancs. Nécessaire de me dire vous plutôt que tu, si c'est pour par derrière me botter le cul. Là-bas en Angleterre, ils se disent tous you, c'est plus clair. De Toto, Tony Blair, Alisa Rassu. Tout est beau sur la terre, dit l'hippopotame en tutu. Au lit comme à la guerre, on est tout poilu. C'est la faute à Voltaire, m'a dit ce cocu de coquet. S'il te faut des barrières pour me croquer cru. Tu sais trop tralalère, vaut un tantinet statutaire. Alors autant se taire et se sauter. Est-il bien nécessaire de te dire pour plus tôt que tu es pour qu'au nom du père, du coup je fous tout. Que vaut dans cette affaire le beau achat tout au grand air. Des mots d'eau tout son verre au studio d'avou. Là-bas en Angleterre, ils se disent tous you, c'est plus clair. De Toto, Tony Blair, Alisa Rassu. Tout est beau sur la terre, dit l'hippopotame. As-tu vu l'univers quand il est terme? Tu sais trop mal à l'air, faut un tantinet et cocu. Saucisson, serpillette et chapeau pointu. Endormis, cheveux mouillés, bras repliés, retrouvés. Fenêtre ouverte, l'air par la fenêtre, pour que l'amour me quitte, l'amour me quitte, pour que l'amour me quitte, amour.

fallait pas. C'est en vain que j'appelle. Chaque nuit, je l'entends pleurer seul dans son éternité. Christine, Christine, je t'aime. Christine, Christine, je t'aime. Mais elle ne m'entend pas et je ne la vois pas. Christine, Christine, Christine. Puis l'Iriel disparaît aussitôt que l'aube apparaît. Est-ce un rêve ou la réalité? Là, ma légende est terminée. Chanson qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je t'aimais.